boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Raskolnikov ouvre un pop and rock sur RVR qui sera très sombre puisque nous voyagerons dans la noirceur du rock avec Matt, Jérôme, Jaime et Pablo qui nous rejoignent tout de suite avec leur pote Albert Roche. Ouais, un Raskolnikov sans Albert Roche, c'est comme un pop and rock sans musique. On retrouvera très bientôt Raskolnikov pour un pop and rock, puisque nous avons eu la chance de les recevoir lors du tournage de leur future vidéo en pays rouennais. 50 minutes d'interview à vous préparer, mais en attendant, revenons à nos noirceurs les plus profondes grâce à Joy Division. Et 18h, retrouvons-nous pour une heure de musique dans Pop and Rock. Ambition. Les destins funestes sont légion dans le rock, des groupes incapables de résister au succès, aux chanteurs déglingués, incapables de résister tout court. De Ian Curtis aux Doors, l'histoire des maudits est riche, mais dans la pénombre renaît plus facilement l'étincelle des toujours vivants. Raskolnikov, Joy Division, Les Cure, pas de doute, vous êtes bien dans Pop'n'Rock sur RVR. Toujours bien vivant Cure qui, encore aujourd'hui, produisent albums et même live, comme la bande de Martin Gore, toujours là, malgré la mort d'un des leurs. I don't want to start it. Et si vous aimez les artistes et les chansons que nous vous passons ce soir, n'oubliez pas de foncer sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock, pour y trouver toutes nos programmations. Stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. C'est clair, pas facile de marcher dans des pompes trop grandes pour soi, mais eux, au moins, ils auront essayé. h 35 viennent de passer et on s'enfile un deuxième titre des Killing Joke. Noirceur et force ce soir dans Pop and Rock, comme quoi, pas la peine de s'appeler George Lucas pour atteindre le Graal du rock. La preuve avec deux titres à suivre de Bauhaus. It's in the can. expecting her reaction. She's been partying. It's in the can. She's been partying. The cat. Spinal Cab, c'était les amoureux de Bowie, Bauhaus. Et si la noirceur n'est toujours pas assez intense, je vous propose de rester chez les grands bretons pour retrouver le groupe phare du gothique intelligent, les Sisters of Mercy. I was wrong. wrong. I was wrong to ever doubt. I can get along without. Yes, I can love my fellow man, but I'm damned if I love yours. Allez, si l'émission touche à son but, surtout ne baissez pas le son, puisque nous allons nous quitter avec un dernier morceau des Sisters. Il sera toujours temps ensuite de rallumer la lumière. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.